drôle de dame. Tu fais un sourire, imbécile, au lieu de faire souffrir. Drôle de dame. C'est lui du mal, mon ami, il veut se faire courir. C'est une drôle de dame. Amoureux de son charme, qu'est-ce qu'elle est mignonne quand elle fait celle qui t'ignore. Ses yeux de fou, son sourire qui te donne des ailes. Avec elle, tu savoures à la vouloir, t'étais pas le seul. Tes larmes sont salées, brave les siennes sont sucrées. Elle veut bonheur, jamais tu crées. Elle te veut à vie, t'es pas prêt. Et tu retrouves les mots quand elle te dit que t'es beau. Elle se pointe avec tes bras et tu dis que c'est une drôle de dame la go. Ta go, elle se pointe jamais là. Même pas si je te lave. Ça va faire 3 ans que t'es avec elle. Tu la vois 3 fois par semaine. Une drôle de dame, elle sort pas, elle t'attend. Tu vas traiter, tu vas voir du chéri, te voir, j'ai pas le temps. Une drôle de dame. Tu fais la sourire, ça me dit, c'est l'odeur de faire souffrir. Une drôle de dame. C'est lui du mal, mon ami, il veut te faire courir. Tu es une drôle de dame. T'aurais dû lui dire vas-y va-t'en. T'aurais dû aller la voir au lieu d'aller bander en 4 ans. Et là tu te sens sale parce qu'elle vient de te quitter, yeah. Et tu dis à tout le monde c'est la vie, mais tout le monde sait que t'es dégoûté, yeah. Du bar où t'as brisé, de retour chez la maman. Le soir avant de dormir, t'es seule, t'as trop maman. Trois de femmes s'envolent, elle ressort, elle se met fraîche. Elle va par des coups, elle redit, elle s'est refait les mèches. Quand tu restes au quartier, t'as plus un plan, tu gardes la pêche. Encore chez maman, t'as pas un sou, t'es à la baisse. Drôle de dame, te calcule plus. C'est là que tu vois que t'as fait le camp. T'étais trop têtu. Là, tu vas bien retenir la leçon. Drôle de dame, c'est la sourire. Imbécile, au lieu de la faire souffrir. Drôle de dame, c'est lui du mal. Mon amie, elle va te faire courir. Je suis une drôle de dame. Tu l'aimes, tu l'aimes, c'est tu l'aimes, une drôle de dame. Tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Elle est toute jolie, c'est la plus belle du monde. Drôle de dame, elle a fait de toi un homme. Drôle de dame, c'est la sourire. Imbécile, au lieu de la faire souffrir. Drôle de dame, c'est lui du mal. Mon amie, elle va te faire courir. C'est une drôle de dame. Drôle de dame. Drôle de dame.